Votre sélection débutera après cette publicité. De la randonnée en montagne jusqu'à la croisière en mer, ou bien en descendant les rivières en canot avant de profiter d'un délicieux pique-nique sur la plage, les vacances en Gaspésie, c'est simplement le plus beau terrain de jeu du monde. En attendant de vous y voir, Tourisme Gaspésie vous souhaite bonne écoute. 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, John et Alan Lomax à la recherche du patrimoine sonore de l'Amérique. Je dirais même que c'est probablement en grande partie grâce à eux qu'on écoute encore beaucoup de ces chansons folk et blues du début du siècle et qu'on a découvert beaucoup de chanteurs qui autrement auraient probablement disparu dans l'oubli. C'est de John et Alan Lomax dont parle le chanteur Thomas Selman à l'émission La tête ailleurs en 2012. À partir du début des années 1930, John et son fils Alan partent à la recherche de chansons traditionnelles qui appartiennent essentiellement à la culture afro-américaine. Ensemble, ils vont enregistrer plus de 10 000 chansons qui seront versées aux archives de la Bibliothèque du Congrès. C'est grâce à leur travail qu'on va découvrir certains des plus grands artistes folk et blues du 20e siècle, Leadbelly, Woody Guthrie ou Muddy Waters. Pour certains, John et Alan Lomax ont réussi à capter l'âme de l'Amérique avec leur micro et à donner une voix aux sans-voix, alors que pour d'autres, ils représentent plutôt l'exemple parfait du phénomène d'appropriation culturelle. C'est un chaînon manquant de l'histoire noire de l'humanité, au travers de la musique. J'y trouve des polyphonies qui ne sont pas des polyphonies africaines, mais qui sont des polyphonies qui ont bougé, qui ont changé, qui se sont développées de manière spontanée, eu égard au rythme de vie que ces gens-là avaient. Donc j'y trouve, comme disait Alan Lomax disait qu'il avait, en tant que mélomane, avait écouté les plus grandes symphonies, les plus grandes musiques de chambre, les grands jazzmen, puisqu'il était extrêmement passionné par la musique, et lui-même disait que ces chants-là sont la source de musique la plus riche qu'il ait entendue. Ce personnage-là était extrêmement intéressant, extrêmement extravagant, et il a archivé toute, finalement, la plus grande bibliothèque de musique traditionnelle au monde. C'est lui qui est allé la chercher et qui l'a archivée. Sur la chanson « No More My Lord » interprétée par Henry Jimson Wallace et enregistrée par Alan Lomax à la prison de Parchment Farm à la fin des années 40, vous entendiez la chanteuse Betty Bonifaci à l'émission PM en 2013. Betty Bonifaci a repris cette chanson sur l'un de ses disques. Elle a d'ailleurs plus d'une fois puisé dans le répertoire de chansons répertoriées par Alan Lomax pour ses projets de disques ou de spectacles, dont ce fameux spectacle qui a semé la controverse, souvenez-vous, Slave, mise en scène par Robert Lepage en 2018. Pour nous présenter le travail de John et Alan Lomax, je reçois l'historien Pierre Lavoie, qui est chercheur postdoctoral en études américaines à l'Université Yale. Pierre Lavoie, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Alors, quelle importance a eu ce travail de recherche et de documentation sonore et musicale qu'ont effectué John et Alan Lomax pendant des décennies, Pierre Lavoie? Quel regard aussi, on entendait Betty Bonifaci à l'instant, quel regard porter aujourd'hui sur leur démarche alors qu'on est de plus en plus sensible à cette fameuse problématique d'appropriation culturelle? Autrement dit, comment a évolué au fil du temps notre regard sur le travail de John et Alan Lomax? Bien, il y a certains éléments qui ont déjà été mentionnés dans les extraits qu'on a entendus dans votre introduction. C'est qu'en tant que tel, il y a un travail de documentation fait par Alan et John Lomax, son père, qui est indéniable, ils ont accumulé énormément de chansons se voulant ou dites traditionnelles, notamment afro-américaines. On parle de 10 000 enregistrements environ si on compile la carrière des deux hommes. Par contre, bien entendu, il y a deux faces à cette médaille dans la mesure où, en même temps que notre regard sur l'idée de folklore évolue, ben notre regard et notre lecture de ce que eux ont fait évolue aussi. Et donc c'est là que la question d'appropriation culturelle entre en ligne de compte. C'est-à-dire que si pour l'époque John et Allen Lomax, à partir des années 30 justement, leur travail était considéré comme plutôt progressiste, même ils voulaient donner une voix aux Afro-Américains dans une certaine mesure. Quand on le regarde avec le recul, on se rend compte qu'il y a certaines de leurs pratiques qui, elles, ont favorisé certains stéréotypes, qui ont enlevé une certaine agentivité, donc un certain pouvoir que les artistes afro-américains avaient sur leurs propres pratiques. Donc, en ce sens-là, plus on avance dans notre réflexion sur l'idée de folklore, sur l'idée de tradition et la façon dont on les compile, plus notre regard, bien entendu, évolue à propos des Lomax aussi. Ouais. Et sans vouloir, entre guillemets, excuser leur démarche, peut-être que la première chose à faire aujourd'hui, c'est de situer cette démarche-là dans le contexte de l'époque. Vous parlez de vision du folklore à cette époque-là et vraiment, c'est de ça dont on parle. En fait, dès la fin du 18e siècle, puis surtout à la fin du 19e et au début du 20e siècle, ce qu'on appelle le folklore est très à la mode auprès d'une certaine élite américaine et c'est de ça. Lomax, en fait, il s'inscrit dans ce courant-là. Parlez-nous de ce mouvement-là duquel s'inspire la démarche de John et Allen Lomax. Sur quoi repose cette vision à ce moment-là de ce qu'on considère être du folklore, Pierre Lavoie? Bien, je trouve ça intéressant justement de l'aborder d'un point de vue historique, ce qui permet de mieux situer le fait que quand on parle de folklore aujourd'hui, en tout cas une bonne partie des chercheurs qui s'intéressent au folklore, on s'intéresse à l'idée de folklore, donc l'angle à partir duquel on abordait les choses et non à un corpus ou à des corpus précis. Ce que ça veut dire en gros là, c'est que le tout ça n'est pas dissocié de l'histoire politique, tout ça n'est pas dissocié de l'histoire culturelle. L'idée de Volk, le Volkgeist remonte à la fin du 18e siècle à Johann Herder, et ça va évoluer tout au long du 19e et du 20e, au début du 20e siècle aussi, autour de cette idée d'un esprit du peuple ou de l'esprit de la nation. Et donc, c'est à analyser conjointement à la montée des nationalismes au cours du 19e puis au début du 20e siècle aussi. C'est absolument indissociable. C'est en quelque sorte, c'est une sorte de parole culturelle ou d'âme culturelle qu'on veut insuffler à cette pensée politique-là qui est le nationalisme en développement au cours de cette période-là. Et donc, ce qu'on cherche, les premiers grands folkloristes, on peut penser notamment au Britannique Cecil Sharp, qui a fait beaucoup de recherches sur la chanson, autant en Angleterre qu'il est un des premiers à s'être intéressé à ce qui va devenir un des champs de recherche les plus importants, le sud des États-Unis, les Appalaches. Donc, Cecil Sharp qui va compiler, qui va faire des recueils de chansons folkloriques. Ensuite, aux États-Unis, Francis James Child aussi, qui va être à la base de la fondation de l'American Folklore Society en 1888. Et ces personnes-là, ce qu'ils vont faire en gros, c'est chercher dans la chanson, dans certains types de légendes, de contes, ils vont chercher à trouver l'âme du peuple, à chercher une expression pure, une expression intouchée du peuple national, qui est intouchée, par exemple, par la modernité, par l'urbanisation. Surtout à la fin du 19e siècle, le folklore va se positionner par rapport à cette montée-là des industries culturelles, puis de ce qu'on appelle, à partir des années 30, là, les médias de masse et compagnie. Donc, l'esprit de folklore, lui, va chercher à aller dans des zones, les chercheurs vont aller dans des zones où ils ont l'impression que les gens n'ont pas été touchés par ces phénomènes-là et essayer de retrouver la parole essentielle du peuple. Donc, c'est pour ça qu'on va beaucoup dans les campagnes, c'est pour ça qu'on va beaucoup s'intéresser, par exemple, aux États-Unis, aux régions qui se veulent ou qui se disent isolées, comme certaines régions du sud des Appalaches. Et faut comprendre de ce que je viens de dire qu'il y a nécessairement à ce moment-là déjà une volonté d'isoler. Ouais. Donc, dans la même idée qu'on distingue les cultures par la langue, qu'on distingue les cultures de différentes façons, ben la volonté première, c'est d'isoler. Et le point, ce n'est pas de dire qu'il n'existe pas certaines chansons locales, certaines chansons traditionnelles dans plusieurs lieux, autant aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde. C'est de dire que cet esprit de folklore fait en sorte qu'on ne regarde pas du tout vers les métissages. Au contraire, on va écarter les preuves de métissage très souvent. Ouais, donc, chercher l'espèce de pureté originelle, mais au fond, en écartant toute forme de métissage, toute forme de modernité, on se rapproche et peut-être qu'on contribue, puis on pourra y revenir, mais à construire un cliché, finalement. Oui, exactement, parce qu'on peut parler de la professionnalisation et du métier de folkloriste dans le milieu universitaire, justement, aux États-Unis à partir de la fin du 19e siècle, donc le Journal of American Folklore, l'American Folklore Society, qui débute en 1888. Donc déjà, à ce moment-là, il y a une volonté scientifique. On s'inspire des études littéraires, on s'inspire de l'anthropologie, de l'ethnologie, mais on développe très rapidement des biais, si on veut. On va aller dans des régions, par exemple, dans le sud des États-Unis, justement, et on va recueillir seulement les chansons que qu'on est capable qu'on a l'espoir d'être capable de retracer leur parcours jusqu'à l'Angleterre ou jusqu'à l'Écosse ou jusqu'à l'Irlande, alors qu'en tant que tel, la plupart des populations aux États-Unis très rapidement sont touchées par le réseau qui part de Tin Pan Alley, donc le réseau qui part de New York avec leurs producteurs de musique, et ça va s'étendre par les circuits de tournée partout aux États-Unis, mais littéralement partout. Donc souvent, quand les folkloristes arrivent dans une zone qui se veut éloignée, qui se veut isolée, la plupart des choses que les gens vont leur jouer, qu'ils soient afro-américains ou qu'ils soient des blancs du sud des États-Unis, ils vont souvent leur jouer des succès populaires de New York, de la période, et ils vont décider de choisir à travers ces répertoires-là les chansons qui sont soit facilement identifiables comme étant des traditions orales qui remontent aux nations européennes, ou sinon celles qui témoignent d'un esprit, si on veut, local ou d'un esprit du peuple. Oui. Donc, il y a cet élément, ce contexte de l'époque, cet intérêt par rapport au folklore, cette professionnalisation, et ça, John Lomax va s'inscrire dans ce courant-là. Il y a un autre élément qui est important pour comprendre son travail, il est situé dans le temps et dans le contexte qui est le sien, c'est qu'il est lui-même un enfant du 19e siècle, il naît dans les années 1860, mais il est aussi lui-même un enfant du Sud. Ça va être important dans sa perception des choses, dans le travail qu'il fera à Pierre Lavoie. Oui, tout à fait. Il naît en 1867, donc juste après la guerre de sécession. Il grandit dans le sud, il grandit au Texas à l'époque de la Reconstruction, à l'époque aussi ensuite lors de son adolescence, la période où on abandonne les valeurs et les intentions premières de la Reconstruction du sud des États-Unis. Et il va être aussi un jeune adulte dans la période où vont s'implanter les politiques qu'on a nommées Jim Crow. Donc, la ségrégation raciale au sud des États-Unis, il évolue, il grandit en parallèle de cette histoire-là, de l'après-guerre de sécession. Et bien que c'est un homme qui, justement, va être considéré comme plutôt progressiste à l'époque, reste qu'il est quand même touché par cet imaginaire et par cette idée de la ségrégation ou de la séparation. Et donc, quand il va commencer à faire ses recherches, il va travailler à l'Université du Texas dans les années 1890. Et c'est dans ce contexte-là, donc dans un contexte de loi Jim Crow, dans un contexte où on segmente beaucoup, puis c'est là que le lien est intéressant à faire. Il y a un excellent historien culturel américain, Axstrom Miller, qui a fait un travail pour faire la comparaison et lier, en fait, l'évolution des politiques Jim Crow avec la ségrégation progressive des races dans la musique populaire aux États-Unis. Et les folkloristes de cette période-là vont participer activement à ça, vont donner des munitions, si on veut, à ces personnes-là qui ont tenté par la suite de séparer avec des catégories, des cases très précises, la musique noire de la musique blanche. Le premier grand chantier, on y vient à ce qu'ils vont nous laisser comme corpus, les Lomax. Premier grand chantier auquel va s'attaquer John Lomax, c'est celui qui touche aux chansons de cow-boy. On écoute son fils, Alan, parler du contexte qui va conduire son père à s'intéresser justement à ces chansons de cow-boy et à tout cet imaginaire du Far West. Home, home on the range, where the deer and the antelope play. He was always a kind of a grassroots rebel, born in 1865. Il a toujours été un genre de rebelle à la base, un rebelle né en 1865. Il a grandi à côté du sentier Chisholm, où il a entendu toutes ses chansons de cow-boy, qu'il notait déjà lorsqu'il était jeune. Il rêvait secrètement de suivre le chemin de tous ces jeunes coqs du Texas. He secretly wanted to go up the trail with all those wild young roosters from Texas. And my father went to the university with those ideas in his head, and then... Mon père est allé à l'université avec ses idées en tête et me les a transmises. Il s'est plongé dans ses recherches pour finalement trouver l'Amérique. Il a trouvé Jesse James, Days of 49, le Chisholm Trail, des choses comme ça. Et ça a vraiment surpris les gros bonnets de l'époque. Ils ne savaient pas que l'Amérique avait des balades. Alors mon père s'est promené à travers le pays pour donner des conférences dans les départements d'anglais pour essayer de convaincre ses pères, professeurs d'anglais, à devenir folkloristes. Et plusieurs d'entre eux l'ont fait. Basically, though, his worst problem came with the grassroots governor of Texas, whose name was Jim Ferguson. You may have heard of him. Son pire problème est venu du gouverneur du Texas. Il s'appelait Jim Ferguson. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui. Cet homme a congédié tous ceux qui n'étaient pas de son avis à l'université. Il disait, « Il y a un homme là-dedans qui essaie de faire pousser des cheveux sur le dos d'un tatou dans le département de la biologie, et il y a un autre fou qui recueille toutes les vieilles chansons obscènes de cow-boy. » Et ça, c'était mon père. Then they've got another damn fool who's collecting all these old-time dirty cowboy songs. That was your father. That was my father, right. How often at night when the heavens are bright with the light from the glittering stars. Sur la chanson « Home, Home on the Range » de Gene Autry, vous entendiez Alan Lomax en entrevue à CBS en 1991. Qu'est-ce qui intéresse tant John Lomax, le père d'Alan, dans ce répertoire de chansons de cow-boy Pierre Lavoie? Ben d'abord, c'est que c'est, on l'a entendu dans l'extrait, c'est sa culture d'enfance, si on veut. Donc, c'est un phénomène réel. Les cowboys, ils existent dans le centre et l'ouest des États-Unis. Et donc, ça va le fasciner dans un premier temps. Ensuite, ça fait partie, à ce moment-là, à la fin du 19e siècle, de l'imaginaire et de la culture populaire. Et bref, quand il va commencer ses recherches plus sérieuses à Harvard en 1907, il va recevoir une bourse pour aller étudier, justement, les chansons de cowboys. D'ailleurs, quand il va publier son recueil sur les ballades de cow-boys et autres, en fait, les chansons de cow-boys et autres ballades de la frontière en 1910, il va être préfacé par Theodore Roosevelt, qui était président des États-Unis. On voit que ça s'inscrit beaucoup dans l'esprit du temps. Et la vision du folklore qu'il va développer avec cet ouvrage-là, qui va être très influent, c'est cette idée qu'on n'est pas obligé de trouver nécessairement les chansons qui sont celles qu'on peut retracer aux origines européennes, mais bien celles qui sont des témoignages directs de l'esprit de la frontière aux États-Unis, de l'esprit de cette culture cow-boy-là. Donc, des ballades qui témoigneraient de l'esprit national américain, si on veut. Il va être très vite critiqué là, dans sa démarche, dans la mesure où on apprend par la suite qu'il va compiler plusieurs chansons et choisir, par exemple, les couplets qu'il préfère et donc faire un travail d'édition à même les chansons, ce qui est absolument pas permis par une démarche plus scientifique de folkloriste. Mais bref, c'est cet esprit-là qui l'anime à ce moment-là. Et on peut dire que son recueil de ballades va avoir été extrêmement influent pour ce qui s'est développé dans les années 1920, 1930, 1940, qui est l'industrie de la musique country western aux États-Unis. Donc l'idée du singing cowboy qu'on a au cinéma aussi avec Gene Autry puis Roy Rogers, il est un peu derrière ça. Ouais. Deuxième grand chantier pour John Lomax, qui se déroule celui-là dans les années 30, autour de 1933-1934. John Lomax part avec son fils Alan à la recherche du répertoire des chants traditionnels de la communauté afro-américaine. Ça va les conduire ou les mener où, ce voyage-là, Pierre Lavoie? Bien, principalement dans le sud des États-Unis. C'est là qu'ils vont se concentrer dans leur premier voyage de recherche. À partir de 1932, ils vont avoir des partenariats avec la Bibliothèque du Congrès américain. Et dans les années suivantes, autant John que son fils vont avoir différents rôles au sein de la WPA, donc la Working Progress Administration, qui fait partie du New Deal du président Franklin Delano Roosevelt. Et ils vont faire de la collecte de chansons, surtout dans les communautés afro-américaines, mais en fait principalement dans les plantations et aussi dans les prisons. Notamment parce qu'ils vont penser que ces lieux d'isolation-là, dans l'idée de folklore, vont leur permettre de retracer des expressions plus pures, qu'elles soient essentielles, au sens de ça n'a pas besoin d'être une vieille pièce qui témoigne de l'esprit des gens de cette communauté-là, ou sinon les chansons qui sont retraçables à l'époque de l'esclavage. Ouais. Et l'une des voix de ces voix du Sud qu'ils vont enregistrer et qu'ils vont contribuer à faire connaître John et Alan Lomax, c'est celle de Led Belly, qu'on écoute chanter un extrait de Good Night Irene. Vous entendrez également dans cet extrait à nouveau Alan Lomax parler de la voix et du répertoire de Led Belly. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I guess you're in my dreams. He Il avait une de ces voix, vous savez, une voix de trompette. Quand il chantait, on pouvait l'entendre jusqu'à un demi-mille plus loin. À la base, il n'était pas seulement un chanteur de blues, il était aussi un chanteur de chansons de travail. Il avait lui-même chanté de ses chansons en travaillant sur les plantations et les fermes du Texas et de la Louisiane où il a grandi. Quand il se joignit au PAN, cette musique était bien présente. Elle gardait l'esprit des gens vivants alors qu'ils devaient travailler pendant 12 heures sous un soleil brûlant. Aucun d'entre nous pourrait même penser à faire ça. Il commençait à chanter le matin, et quand il levait les yeux, c'était déjà l'heure du dîner. The spirit, they'd start to sing in the morning and look up, and it would be lunchtime. Good night, Irene. Good night, Irene. I get to end my day. Le travail que font John et Alan Lomax avec les Afro-Américains qu'ils rencontrent dans le sud des États-Unis, dans les prisons, entre autres, ça va susciter d'importants questionnements sur le plan de l'éthique, Pierre Lavoie. Leur lien, entre autres, avec Led Belly, qu'on vient d'entendre, fait partie de ce questionnement-là. Qu'est-ce qui pose problème dans la démarche des Lomax, père et fils? Bien, il y a plusieurs problèmes parce que même, comme je le disais plus tôt, s'il y a une volonté de redonner une voix qui est absolument légitime dans le contexte de l'époque, ce qui arrive, c'est que parfois les prisonniers sont contraints par leur geôlier d'aller enregistrer des chansons un peu contre leur gré. Aussi, les Lomax vont demander aux artistes, notamment Huddy Ledbetter, qu'on connaît mieux sous le nom Led Belly, d'enregistrer seulement leurs chansons de travail. On entend dans l'extrait qu'il dit que c'est un chanteur de working songs, mais on sait très bien que Led Belly avait un répertoire extrêmement varié, qui chantait des chansons vaudeville, des chansons de variété. Et là où ça devient un problème éthique aussi, c'est quand on va vouloir, dans les années 40, amener Led Belly au nord-est des États-Unis, faire des spectacles devant les publics bourgeois de New York, par exemple, ben les Lomax vont lui demander parfois de porter un habit de prisonnier pour l'identifier, pour donner une espèce d'image de marque plus authentique, alors que Led Belly, lui, comme la plupart des interprètes de cette période-là, se serait mis avec ses plus beaux habits sur son 36, comme on dit. Et donc, il y a un choix dans les chansons, il y a un choix dans la mise en scène, il y a plusieurs choix qui sont faits qui confortent beaucoup de stéréotypes par rapport aux Afro-Américains. Et ça, ben vu que ça a été marqué par les médias sur disque, par image et tout, c'est des choses qui se transportent jusqu'à aujourd'hui puis qui deviennent un peu l'image qu'on a du chanteur afro-américain de cette période-là. Ouais. Ce qui fait que, et on boucle un peu la boucle, ça nous amène à porter quel genre de regard, quel genre d'évaluation sur le travail que vont faire John et Alan Lomax. John Lomax, il meurt en 48, son fils Alan en 2002. Avec le recul, quel jugement donc porter sur l'héritage qu'il nous laisse? Je pense qu'il faut quand même reconnaître la valeur de la compilation qu'ils ont réussi à faire, donc plus de 10 000 enregistrements de chanteurs, ça c'est assez chanteurs et chanteuses, c'est assez impressionnant et ça reste des documents pour les chercheurs aujourd'hui qui sont hyper importants. Par contre, justement, avec le recul, ce n'est pas de complètement renier leur héritage, mais c'est de se rendre compte que derrière certaines bonnes intentions que les chercheurs peuvent avoir, en réfléchissant un petit peu plus aux conditions dans lesquelles ils travaillent, des fois on se rend compte qu'il y a beaucoup de préjudices qui sont portés à leur sujet et c'est quelque chose qu'il faut réfléchir particulièrement aujourd'hui aussi, hein, avec les discussions qu'on a par exemple autour de l'appropriation culturelle. Pierre Lavoie, historien, chercheur postdoctoral en études américaines à l'Université Yale. C'est toujours un grand plaisir de vous parler. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Where seldom is heard.